Pourquoi consomme-t-on bio ? Parce que c'est cultivé de façon naturelle, parce que c'est sain, parce que ces aliments sont sans produits chimiques et qu'on est persuadé que ces aliments sont meilleurs pour la santé. Moi, je dis pas que les produits bio, c'est bobo. C'était vrai il y a quelques années, mais bon, maintenant, il n'y a pas seulement les habitants du Marais ou du centre de Paris qui consomment bio. Simplement, je suis pas convaincu de l'argument c'est meilleur pour la santé. Je suis pas convaincu que les produits bio soient meilleurs pour la santé. Alors, rien à démontrer ça. Tu manges bio, dis-nous ce que c'est précisément. Pourquoi manger bio? Que ça soit clair, parce que là, on est en train de tout mélanger, bobo, machin, etc. Moi, j'ai toujours mangé bio. Parce que quand j'étais petit, par exemple, mon papa était originaire de l'arrière-pays niçois, de Belvédère, etc. Ouais. Donc déjà, il cultivait ces trucs. Donc j'ai toujours mangé comme ça. Aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à ma belle famille, que je salue au passage, de manger bio parce que très souvent, j'ai des légumes, j'ai des fruits, etc. Que j'ai une femme merveilleuse qui va essayer de trouver dans des endroits des choses qui sont faites par les paysans. Babette. Oui, voilà. Bon, bonjour, Babette. Bon, bah, c'est vrai que... Allez, disons 60% de ce que je mange est bio. Et en plus, je vais chercher aussi, parce que j'ai des relations, des gens qui cultivent ou qui élèvent des poulets. On va enlever bio, on va dire que tu manges le naturel. Mais quoi, maintenant, pas dans des grandes surfaces spécialisées bio. Maintenant, je suis d'accord avec toi que... Moi, c'est plutôt la qualité du goût. C'est pas. C'est un meilleur goût. Non, mais on peut dire simplement qu'il y a une inquiétude sur les produits de merde parce qu'il y a vraiment des trucs dégueulasses. Tiens, prends les fraises. Et cette inquiétude est devenue un marché. Et puis voilà. Donc ça, c'est assez cohérent. Et toi, tu manges bio? Je sais pas parce que j'achète un peu n'importe quoi, mais c'est vrai. Mais que non, attends, où tu es, tu as certainement des non, trucs non, mais, bio. Oui, c'est vrai que là-bas, j'ai de la chance d'avoir des œufs, etc. Mais quand je vais faire les courses, je fais ça le plus vite possible et je fais pas trop gaffe. C'est vrai que les produits sont pas très chers aujourd'hui, mais par exemple dans les fruits et légumes, on achète par exemple un kilo de clémentine, il y en a 2 sur 3 qui sont à jeter. Absolument. Parce qu'elles sont etc. Oui. Et si on arrivait à se dire, on est tous d'accord pour dire, je veux bien payer un peu plus cher pour que ce soit meilleur, parce que souvent, finalement, on s'y retrouve pas parce qu'on fout tout à la poubelle. Et c'est vrai que les industriels sont malins, les marchands sont malins, ils ont vu que c'était une inquiétude et un marché, et que maintenant le bio est devenu... En plus, ça se trouve chez Franprix, il y a du bio, il y en a partout. Et tu vas pas dans les supermarchés bio faire tes courses aujourd'hui, parce qu'il y a des enseignes spécialisées qui s'appellent bio d'ailleurs. Moi, j'ai jamais fait cours de ma vie. Non, mais ça c'est autre chose, les trucs à ma boule, un peu les trucs secs. Il y en avait avant, les trucs la vie claire là. On voyait que des gens les bizarres. Les trucs à ma boule. Oui, on voyait que des gens qui avaient des eczéma, qui se grattent, qui étaient complètement dégénérés physiquement. Il y a quelques mois, j'ai vu une émission, et ça je le crois. Une émission où il y avait des producteurs de fruits, légumes, etc. En province, ils ont monté un truc pour livrer. Alors, et la différence, justement, parce que automatiquement, comme c'est acheté à la base, c'est beaucoup moins cher que quand tu passes par tous les intermédiaires. Mmh. Et ça revenait pratiquement la même chose avec les frais de livraison, quoi. Bon, évidemment, c'est un peu un casse-tête, mais oui, j'ai vu un mec. La phrase du jour dit que le bio, c'est pipeau. Ah ben c'est tout à fait mon point de vue. Jacques Maillot, moi, t'es d'accord avec moi. Et le goût. Mais laisse-moi parler. Tu parles tout seul, dis. C'est pour ça que t'as raison. Moi personnellement, je mange bourguignon, je mange corrézien, je mange républicain. Ça se passe bien. Des fruits et légumes, ils sont bons, j'ai aucun problème. Oui, le tout c'est de choisir l'endroit. Ça c'est encore de la flûte, ça c'est. C'est ce que pour moi le truc de snob. Le bio, c'est pipeau. On est. Je crois pas que ce soit un truc de snob. Parce que je pense qu'il y a non, snob, il y a de vraies préoccupations. Il y a une vraie préoccupation aujourd'hui. Manger bio, il peut. En France, et on n'est pas sûr aujourd'hui naturellement. Je fais pas d'efforts. Il y en a qui mangent près toi. Non, mais on n'est pas sûr aujourd'hui que les produits qu'on peut acheter, clémentine ou autre, soient vraiment de bons produits. Alors c'est vrai qu'il y a une préoccupation, une peur, et on se tourne vers le bio. La question de savoir si le bio c'est meilleur ou moins bon pour la santé. Pour l'instant, personne n'a tranché. La vie, c'est un risque. Jacques Maillot. Non, mais je parle du goût, moi. Attends. Le goût, c'est tout. Enfin, les pesticides, on n'est pas obligé de bouffer du pesticide. Pour avoir de la nourriture de bon goût, on n'est pas obligé de prendre du bio. Mais je t'assure, écoute, je mange très bien. Alain Marchal le sait, on a déjà déjeuné ensemble, je suis très attentif à une bonne bouffe. Ouais. Mais pas besoin de manger bio. Ben, on n'a qu'à demander à un agriculteur, parce que ça a été un bon filon pour les agriculteurs aussi. Le bio, puisqu'ils se sont reconvertis. On pourra en reparler avec Laurence Duval, notre grande gueule agricultrice. Jean-Luc est agriculteur. Bonjour Jean-Luc. Bonjour grande gueule. Jean-Luc, le bio c'est pipeau? Le bio, je vais en faire bondir beaucoup, mais je pense que c'est pipeau. Ah, alors pourquoi? Parce que effectivement, je suis d'accord, pour bien manger, il n'y a pas besoin de manger bio, ça c'est sûr. Ok, Jean-Luc. Mais... Attendez, Jean-Luc, vous en cultivez du bio? Oui. Et vous dites c'est pipeau? Non. Le bio, mais c'est un bon filon pour les agriculteurs, parce qu'on s'en sort beaucoup mieux. Eh oui. Mais marché, donc. Maintenant, au niveau nourriture. Rassurez-nous, c'est pas pire quand même. Le bio. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être pire. Alors attendez, ça c'est pire, pourquoi, oh, Jean-Luc? Alors il faut nous expliquer. Mais parce que là, arrêter cette flûte, c'est... on est au bord de l'escroquerie là maintenant. On entre dans une drôle de logique, ah, Jean-Luc. Oui, soyez clair, soyez précis, notre santé est en jeu, Jean-Luc. Il va falloir interroger Serge Le Pelletier là. Allez-y. Alors hier j'ai vu une émission à la télé en disant que le bio était de meilleure qualité avec les analyses et tout ce qui s'ensuit. Bon, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et alors? Bah oui, mais vous êtes agriculteur, bah, dans vous dites des choses et vous développez pas beaucoup, alors. Vous devez savoir ce que vous cultivez. Oui, dites-nous, Jean-Luc. Alors, bon, moi, en bon, je cultive que des céréales, donc je parle, d'accord, de ce que je connais. Voilà. Pour les céréales bio, si on s'en sort, si on a de la chance, c'est de la marchandise de bonne qualité. Maintenant, il arrive qu'on n'ait pas de chance, qu'on soit envahi par les insectes, par les mauvaises herbes, et là, c'est de la merde, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas de pesticides dans vos céréales, c'est ça. Il n'y a pas de pesticides, pas d'insecticides, pas d'herbicides, surtout. Et on se retrouve. Pas de céréales avec, à la fin, quoi. On se retrouve avec, que des insectes. Avec un mélange à la fin, une sorte de mélange. Jean-Luc, on va être clair dans les grandes gueules avec vous. Jean-Luc, vous, vous avez mis du bio simplement parce que ça vous a permis de mettre un label et de faire des affaires, quoi, en fait, c'est clair. Non mais eh ben, au moins c'est réglé. Il répond à la demande. Il y a une demande de la part du consommateur, je comprends tout à fait. Et si la demande, c'est qu'il y a inquiétude, et si inquiétude, elle peut être légitime. Et il parle de ses pertes parce qu'il dit j'utilise aucun herbicide, aucun machin, donc automatiquement il y a plus de risques, ça c'est sûr. D'accord, mais Jean-Luc, c'est pour ça souvent que le bio est plus cher. Oui, mais il a eu l'honnêteté de me dire, moi j'ai fait ça pour le business et je suis pas convaincu, moi l'agriculteur, je vous le dis, que ce soit bien meilleur que les produits que je fais traditionnellement. Jean-Luc n'est pas forcément représentatif de tous ceux qui aujourd'hui cultivent du bio. Non. Faut tenir compte de toutes les sensibilités. Voilà. Alors justement, deux autres réactions sur Internet. Il y a Samia qui nous dit manger bio c'est bobo. Bonjour le cliché, ça c'est pour Alain Marchal. Allez donc faire un tour. Au départ, tu disais que c'était bobo. C'est bobo et pipo. C'est vrai aussi. Hein, c'est allez bobo. Donc faire un tour dans un magasin bio en dehors du 6e arrondissement. Beaucoup de gens achètent quelques produits bio, farine, œufs, biscuits, de l'huile, du sucre. Mais peu de gens, d'ailleurs, ont les moyens de manger tout bio. Manger bio, c'est faire attention à sa santé, car la santé passe par la nourriture. Et puis il y a Luce qui nous dit, le bio n'est pas un truc de bobo, malgré des revenus modestes, moi Luce, je fais le choix de manger mieux. Le SMS aussi, au 61-068, Claude de Marseille, qui nous dit, alors le bio c'est un faire-valoir, une façon de se démarquer des autres gens, un signe extérieur de richesse. Il me dit, Marshall au pouvoir. Il va falloir mettre un nom, on va imposer le bio. Mais non, parce que là vous confondez avec les gens qui habitent les villes. Mais moi je connais des gens qui sont vraiment, qui ont de tout petits moyens et qui ont la chance de manger bio. Tu manges pas bio, tu manges sain. Mais oui. C'est le bio, là on a compris que c'est un label et un marché. En fait toi tu manges sain. Voilà, je l'ai dit. Je mange sain aussi. On peut manger sain sans manger bio. C'est ce qu'il m'a toujours dit. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. La question était, est-ce que manger bio c'est synonyme de manger sain? Et la réponse c'est pas forcément. Leurs haricots, leurs pommes de terre. Est-ce que tu commences ça? Mais il y a des puissants quand on fait ça. Mais c'est ce que je dis. Ben voilà, on est d'accord. Mais ça c'est sain. C'est sain ça. Parce qu'il y a un label bio aujourd'hui. Alors attendez, parce qu'il y a un autre argument aujourd'hui pour défendre le bio, c'est que ça protège l'environnement. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus préoccupé par la détérioration de notre environnement. Et le fait de cultiver bio, ben on met moins de produits genre insecticides, pesticides dans la nature, dans la terre. Alors est-ce que cet argument-là aussi, faut en tenir compte. On protège notre environnement en mangeant bio ou en cultivant bio. Tiens, Dick. Jacques Maillot, il s'en fout. Qu'est-ce qu'il a, Dick? Dick, il y a une question directe pour toi. Dick, si on te bande les yeux, est-ce que tu reconnais un produit bio d'un produit normal? Sois franc, c'est Christophe de l'Isère. Une grande gueule, Christophe. Ça dépend quel produit. On voit des SS, mais ça dépend quel produit. Alors, sur quoi tu es fort? Des fruits. Des légumes. Tu reconnaîtras une bonne clémentine, une mauvaise clémentine. Dick, mais je fais fort sur les fraises. Tu reconnaîtras pas une clémentine bio d'une si, si, sur clémentine les normale. Attends, les fraises, mais moi, attends. Mais... Oh, Pipo, Dick, sur ce coup-là, t'es Pipo. T'es Pipo sur ce coup-là. Mais non, les fraises, je te donne ma parole qu'il m'a fallu très, très, très longtemps pour retrouver le goût des fraises que j'avais quand j'étais petit. Les grosses fraises pleines de flotte. Ouais, qui n'ont aucun goût. Mais c'est quand même dégueulasse. Oui, où tu s'en sers. La prochaine fois, on te prend au mot, Dick. La prochaine fois que tu viens, on te fait une dégustation. Tiens, bonne question de Christophe, là, SMS. Christophe, une grande gueule. Mais c'est sûr, pas une pomme de terre. Hein. Si le lecteur DVD, on l'offrait à Christophe aujourd'hui, ce serait pas mal. Parce qu'il est régulier, Christophe. Tous les jours, il nous envoie des SMS au 61-068. Et puis là, il t'a bien piégé, Christophe. Non, il m'a pas piégé. Si. Non, il a fait une proposition, il a pas piégé. Non, mais je suis sûr que ça. Il a raison. Mais qu'est-ce que la réponse? Parce que je suis sûr que c'est vrai. Il est méchant, lui. Je suis pas méchant. J'ai l'autre jour de ma chaîne. Il est partisan. S'embêtant, un journaliste aussi partisan. Alain Soral. Jacques Maillot, Dick Rivers, Olivier Truchot. On va vous demander ce que vous allez regarder ce week-end. Est-ce que vous serez plus Téléthon ou Miss France? Et vous aussi, dites-le nous par internet rmcinfo.fr en direct au 3216 ou par SMS au 61068. Soral, est-ce qu'il sera plutôt myopathe ou est-ce qu'il sera plutôt longueur de jambe? Bah, d'un côté, on voit des belles gonzesses et on vous demande pas de pognon. De l'autre côté, on voit... On voit des physiquement déclinants et on veut vous raqueter. Vous avez déjà la réponse. Alain Soral, et on s'intéressera aussi à ce village du Jura des Vosges où on a fait retirer un Père Noël géant qui montrait ses fesses. On touche pas au Père Noël, messieurs, dames, s'il vous plaît. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. RMC en grandes ondes, 216 AM.